Les découvertes musicales de Fadjet. Bonjour auditeurs de Radio Fadjet, je m'appelle Paul. Je vais vous présenter quelques artistes avec une de leurs musiques. Le premier est le titre Lost de Illenium et Emily Brandt. Illenium est un artiste que j'apprécie beaucoup grâce à son niveau de production. À chaque fois, ses titres sont bien réalisés. Cette musique fait partie d'un style de musique électronique nommé Future Bass. La Future Bass a été popularisée en 2016 par des artistes comme Illenium, Flume, Seven Lions ou encore Sanolo. It's back to the basics without you now. I'm trying not to thunder. You told me I should take a look around. Lost it all, and it's no wonder how it came to be. I'm stepping out the door of you and me. I'm crossing out the eyes and what they've seen. I'm better off, I'm better off. La seconde musique choisie est celle de Hardwell avec son titre Conquerors, sorti en mai 2018. Je vais présenter rapidement l'histoire de Hardwell car dans le milieu de l'électro il est très apprécié. Hardwell, de son vrai nom Robert Van de Corrupt, commence la musique à 6 ans. C'est en 2008 qu'il se fait connaître grâce à son bootleg de Show Me Love vs B de la chanteuse Robin Hess. En 2010, il crée son propre label de musique, le label Revealed Recordings. En 2013 et 2014, il arrive à la première place du classement DJ Mag, place qu'il perdra l'année suivante. Hardwell est considéré comme l'un des plus grands DJ au monde, dû au fait qu'il est déjà mixé dans les plus prestigieux festivals et produit plusieurs titres avec les plus grands producteurs de musique au monde. C'est également un type de musique électronique, mais d'un autre style. C'est de la progressive house au début et de la big room à la fin. Deux styles très populaires pendant les années 2012 à 2016.